Bienvenue dans cette quatrième vidéo de méditation semi-guidée. Avant de commencer la méditation d'aujourd'hui, prends quelques secondes pour penser aux effets que ces 3 jours successifs de méditation ont déjà eu sur toi. Vois-tu une différence depuis ces 3 jours dans ta manière de penser, de ressentir les choses, de respirer, et te comportes-tu différemment? Pour commencer cette méditation dans de bonnes conditions, comme d'habitude, éteins ton téléphone portable, vérifie la batterie de ton ordinateur et règle le volume du son correctement, puis éloigne-toi de ton écran. Assieds-toi dans une position confortable que tu pourras maintenir. Garde le dos droit de manière à pouvoir maintenir cette position en restant immobile pendant toute la méditation. Maintiens bien droit le bas de ton dos. Rentre légèrement le menton dans le cou. Ne penche ni trop à gauche, ni trop à droite. Ni trop en arrière, ni trop en avant. Trouve l'équilibre de ton corps. Aujourd'hui, tu vas poser tes 2 mains sur tes genoux, avec les paumes tournées vers le ciel. Ferme les yeux lentement. Lors de cette méditation, nous allons toujours maintenir cette position. Inspire profondément par le nez, puis expire. Respire de plus en plus lentement. Respire le plus profondément possible. Ressens ton ventre se gonfler quand tu inspires. Et se vider quand tu expires. Dans la méditation d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le moment présent. Afin de faciliter cette méditation, je vais d'abord te laisser seul pendant quelques minutes où tu vas rester immobile et penser librement à ce que tu veux. Cela te permettra d'évacuer tes pensées, tes soucis des jours précédents et tes projets pour aujourd'hui et les jours suivants. Après cela, nous nous concentrerons sur le moment présent. Pour l'instant, pense librement à ce que tu veux en restant immobile. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le moment présent et ressentir les choses au lieu de les penser. Maintiens une posture confortable, droite, immobile. Respire lentement et profondément avec le bas du ventre. Aujourd'hui, tu vas éviter de penser au passé et au futur. Tu vas éviter d'imaginer et de projeter. Tu vas simplement ressentir. Si tu te surprends à penser à autre chose que ce que tu ressens ici et maintenant, recentre ton attention sur le moment présent. Ce n'est pas grave si tu penses à autre chose. Ce qui compte, c'est de se recentrer. Quel son entends-tu maintenant autour de toi? Observe les sons apparaître et disparaître. Écoute le son de ma voix en te concentrant sur chaque syllabe qui surgit, puis qui meurt. Quelle sensation traverse ton corps maintenant? Observe cette sensation changer quand tu te concentres sur elle. Ressens-tu des parfums, des odeurs autour de toi? N'essaye pas de les nommer. Contente-toi de les ressentir. Tu n'as pas besoin de mots pour classer tes sensations. Observe chaque nouvelle sensation surgir en toi, puis disparaître. Observe que seul le moment présent demeure. Seul le présent est stable et sans fin. Observe que tout le reste est éphémère. Concentre-toi sur une sensation en elle-même sans te soucier de la pensée et des mots qui entourent cette sensation. Que ce soit un son, une odeur, un contact. Reste ainsi dans le moment présent et ressens ce que ton corps ressent. Si jamais tu te surprends à penser et à te soucier du passé ou du futur, ce n'est pas grave. Reviens progressivement vers le moment présent. Reste ainsi dans le moment présent jusqu'à la fin de la méditation, comme tu l'es actuellement. Bientôt, tu n'entendras plus ma voix. Tu entendras à nouveau ma voix à la fin de la méditation. Tu ressentiras peut-être le besoin de t'arrêter et tu ressentiras peut-être la tentation d'interrompre ta méditation. Si cette tentation apparaît, observe-la surgir et attends patiemment qu'elle disparaisse. Tu vas maintenant méditer sans moi et continuer à te concentrer sur le moment présent et tes sensations immédiates qui surgissent et disparaissent. Tu peux maintenant ouvrir lentement les yeux. Ressens-tu maintenant les choses différemment par rapport au début de la méditation? Reste dans le moment présent. Durant cette journée, tu pourras te concentrer encore sur le moment présent durant tes activités et maintenir un peu de cet état méditatif. Tu peux lever les bras et t'étirer. On se retrouvera demain pour une nouvelle séance de méditation avec de nouvelles instructions. Passe une bonne journée.